on chantait, si on chantait, si on chantait, la vie tu vois, la vie tu vois, la vie tu vois, la vie tu vois, la vie tu vois, la vie tu vois, c'est simplement s'aimer. Si on chantait, si on chantait, comme l'automne s'amène, l'on entonne le plus beau des poèmes. Si monotone soit-il, se chansonne au creux de nos oreilles. Quand le gris s'invite dans nos vies, je veux que nos couleurs résonnent. Mes ennemis ce soir sont mes amis, l'espoir étant ce qu'on entend.